Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici le sommaire de ce journal. 11 sociétés à participation publique n'ont pas versé des dividendes selon le rapport d'exécution budgétaire exercice 2022-2023. Les députés s'inquiètent suite à cette situation, vous l'entendrez. Et les médiateurs collinaires en commune Muruta de la province de Kayanza se réjouissent de percevoir régulièrement leurs frais d'encouragement. Néanmoins, ils disent qu'il leur manque du matériel pour bien accomplir leur mission. Le travail des femmes sur les chantiers est bien apprécié par le voisinage à Minago, en province Rumonge. C'est un reportage à suivre. Voilà le sommaire de ce journal. Anselme Irambona assure la mise en onde. Jean de Dieu Irakoze à la présentation. Bienvenue. Bienvenue dans les détails. La police burundaise a présenté à la presse ce vendredi 5 personnes qu'elle accuse d'usage de faux. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique met en garde toute personne qui s'adonne à cette pratique. Pierre Ngurikiye est porte-parole du dit ministère. L'Office burundais des recettes appréhende en déclarant qu'ils aient des faux reçus de paiement de la redevance annuelle routière. L'OBR a immédiatement commencé l'enquête en collaboration étroite avec la police et l'enquête qui a abouti à la découverte de deux secrétariats publics qui fabriquent ces faux papiers. Au niveau de ces deux secrétariats publics, les enquêteurs ont saisi beaucoup de faux documents, notamment quittances de paiement des impôts, les fausses cartes roses pour les véhicules, les fausses attestations, presque toutes les attestations délivrées par la police nationale du Burundi, les faux justificatifs de paiement pour presque tous les services de la mairie de Bujumbura. Et un dossier va maintenant être transmis à la justice. Maintenant, le message est également adressé à ces faussaires, mais aussi à tous ces gens-là qui utilisent les faux documents. Nous pensons que la technologie qui est utilisée par l'OBR sera étendue à tous les autres services de l'État et même les services publics, parce que ce n'est pas une technologie qui coûte cher, c'est vraiment une technologie qui est accessible à toutes les institutions qui le veulent. Pierre Ngurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Une dizaine d'entreprises à participation publique n'ont pas versé des dividendes au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023, alors que les recettes non fiscales attendues avoisinaient 100 milliards de francs burundais dont ces dividendes. Ceci a suscité l'indignation de certains parlementaires ce vendredi alors que l'Assemblée nationale analysait les rapports d'exécution budgétaire exercice 2022-2023 ainsi que l'exécution du budget au cours du premier trimestre exercice en cours 2023-2024. Le ministre des Finances rassure qu'il y a eu une amélioration chez certaines entreprises. Mireille Kanyange a suivi. Selon ces rapports, certaines de ces entreprises à participation publique n'ont pas versé des dividendes, soit parce que le résultat est négatif, soit parce qu'elles n'ont pas répondu aux lettres de demande des procès-verbaux de distribution des dividendes. Ces entreprises étant au nombre de 11, des parlementaires ont alors émis leurs inquiétudes par rapport à cette situation. C'est notamment les honorables Sabine Nhakarutimana et Terence Manirambona. Je me demande quand vous leur envoyez des lettres de demande de PV alors qu'elles savent que c'est une obligation sans réponse. N'est-ce pas possible de prendre des décisions? Sinon, même l'année suivante, on n'y met pas de volonté. J'ai regardé la BPCI. J'ai vu que la BPCI dit qu'ils n'ont pas distribué de dividendes et je me demande, prennent-ils des décisions à leur guise ou bien ils ont une voie à suivre? Je regardais les entreprises qui devraient verser des dividendes. J'ai vu de grandes entreprises dans lesquelles l'État a un grand capital, mais qui ont eu un résultat négatif. C'est notamment l'Onatel, Onatour, RPP, Cogerco et autres. Monsieur le ministre, comment voulez-vous qu'il y ait croissance économique alors que ces entreprises ne contribuent pas? Apparemment, on travaille sur des statistiques de croissance qui ne seraient pas correctes. by'ubutunzi bimwe bimwe bishobora kuba atari byo mu gihe abantu abo tuzira koko bunganira cyangwa basahiriza bo berekana yuko bakora bahomba. Sur ce, Audace Niyonzima, ministre des Finances, regrette qu'il y ait certaines entreprises qui enregistrent ces résultats négatifs, mais répond que certaines entreprises enregistrent plutôt une amélioration. On dirait qu'il y a une amélioration par rapport aux années antérieures. La plupart ont déjà décollé et versent ces dividendes, mais il y en a d'autres, dont la Cogerco, vu les années passées, beaucoup de problèmes que je ne mentionne pas ici. Nous avons décidé de les suivre de près, surtout en changeant les conseils d'administration, les commissaires aux comptes. Mais ce qui est des sanctions, si elles n'ont pas été prévues, d'autres organes prennent la relève. Ces précisions ont été données ce vendredi, alors que l'Assemblée nationale analysait les rapports d'exécution budgétaire 2022-2023 et le premier trimestre de cet exercice budgétaire 2023-2024. À cette occasion, le ministre des Finances a informé qu'en 2022-2023, l'inflation était de 18,8% et la dévaluation du franc burundais par rapport au dollar américain était de 35,2%. Pour le premier trimestre de cet exercice budgétaire, l'inflation était de 26,1%. Selon toujours ces rapports, l'État attendait près de 100 milliards de francs burundais provenant des recettes non fiscales, mais il a enregistré un peu plus de 70 milliards suite au non-versement des dividendes par ses entreprises à participation publique. Merci Mireille Kanyange pour toutes ces précisions. Et les habitants de la première avenue de la zone urbaine Moussaga réclament la réhabilitation de cette route qui était goudronnée mais qui est pour le moment impraticable suite au nid de poules qui s'y observe. Charles Nimagaritse, un conseiller collinaire à Moussaga, indique qu'ils ont soumis cette doléance à l'agence routière du Burundi mais que rien n'a été fait pour l'instant. Les détails avec Désiré Maonimana, stagiaire à notre station. Arrivé à cette première avenue dans la zone Moussaga qui était goudronnée à l'époque, on constate les nids de poules qui s'observent à cet endroit. Au-dessus du marché se trouvant dans cette avenue, les nids de poules très larges sont barrés par les sacs et des moustiquaires pleins de sable. Les habitants de cette avenue affirment que la situation s'est aggravée quand les tracteurs ont intervenu dans la réhabilitation de cette route sans la mettre à son état initial. Quand je suis venu m'installer ici, la route était goudronnée avec quelques nids de poules. C'est avec les travaux de construction de la route, se trouvant tout près de l'église de Sainte-Anne, qu'on a amené une machine pour compacter cette route qu'elle a commencé à devenir impraticable. Compacter cette route a aggravé les choses. Quand il pleut, les inondations s'observent dans cette avenue suite au manque de canalisation. Les habitants de la zone Moussaga demandent aux instances habilitées de réhabiliter cette route. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous venir en aide car les instances habilitées l'ont déjà négligé. Charles Nimagalitse, l'un des conseillers collinaires de la zone Moussaga, indique qu'ils ont soumis cette doléance à l'agence routière du Burundi en sigle ARB, mais rien n'a été fait pour la réhabiliter. Cette route, comme vous la voyez, elle est complètement détruite. Elle est très impraticable. Auparavant, c'était une route macadamisée. Bon, telle que vous voyez cette route, elle est impraticable. Pas de véhicule qui passe pour le moment. Même les passagers, vous voyez qu'il y a des risques. Nous avons donné des rapports, même au niveau de la RB, je pense que le dossier est déjà là. Au niveau des caniveaux, les caniveaux sont très, très, très étroits. Il y a des maisons qui s'effondrent et des gens ne passent plus. Il demande à cette agence en charge de la construction des routes de faire le tout possible pour que cette avenue soit praticable comme auparavant. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro, le journal continue. Les travaux exécutés par les femmes et les filles sur les chantiers de construction sont appréciés plutôt par les communautés voisines de la zone Minago en province de Rumonge. Elles estiment que c'est un grand pas de voir une femme accomplir des tâches jadis supposées dévolues aux hommes. Aujourd'hui, ces femmes montrent qu'elles sont capables de tout faire pour la survie de leur famille. Le point avec Jean-Marie Mayon. Ingo nyinshi abakenyezi mu ngo hari ikintu cyiyongera mu iterambere nibaze bazera ngo umugabo aratuzanira certains habitants de la zone Minago et Kizuka de la province Rumonge disent aujourd'hui que les femmes travaillent dans les chantiers de construction, situation qui n'était pas habituée. Ils apprécient que ces femmes ont été un pas dans les travaux destinés aux hommes. Il signale que dans les années antérieures, on ne pouvait pas trouver une femme dans les chantiers, mais dans ces jours-ci, c'est intéressant de voir un grand nombre de femmes dans les chantiers. Nous apprécions positivement le travail de ces femmes parce que si tu restes bras croisés, sans rien faire, tu mourras de faim avec tes enfants. Si tu ne fais rien, c'est un problème. Nous saluons bien le travail de ces femmes. Ces habitants lancent un appel aux femmes qui restent en arrière dans de telles activités, de changer de mentalité et pour les hommes de laisser libres les épouses pour chercher le pain quotidien. Je lui conseille d'approcher les autres au lieu de voler dans les champs des voisins. Il faut qu'elle s'associe à d'autres femmes et travailler. Espérance Ndiwe Numuryango, chef culinaire à Minago, précise que depuis que ces femmes ont commencé ces travaux, les conflits liés à la pauvreté dans les familles ont diminué. Aujourd'hui, les mariés travaillent en étroite collaboration pour la survie de leur famille. Elle signale que le développement dans les ménages a atteint un point satisfaisant à cause de ces travaux menés par ces femmes. Les travaux manuels qui demandaient assez de force destinés aux hommes dans les chantiers, aujourd'hui, la majorité des femmes de Rumonge y ont demandé de l'emploi dans la société Soja Satome qui fait la réhabilitation de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge. Jean-Marie Mayonga est le chef de cabinet du gouverneur de la province Rumonge, constate que le nombre de femmes qui travaillent sur les chantiers reste encore insignifiant. Abdul Nirani Bagira les appelle à être courageuses et oser demander de l'emploi aux sociétés de construction. Suivez-les. À ces sociétés-là, dans l'emploi, dans le recrutement, qu'elles priorisent d'abord le genre féminin avant le genre masculin. C'est-à-dire que si le genre féminin s'est présenté massivement, a respecté toutes les exigences possibles, qu'elles soient les premières à être recrutées en fonction quand même de l'effectif et des exigences de ces postes-là. Qu'elles soient recrutées, si c'est possible, à 30%, même à plus de 40%. C'est la chance qu'elle a répondu. Pourquoi? Et elle a été refoulée uniquement à cause de son genre féminin. Non. Si par exemple, elles doivent recruter plus de 200 personnes, il y a le genre féminin qui a été représenté peut-être à un effectif de 50 personnes. Pour nous, l'administration, le gouvernement, tout l'effectif de 50 personnes de ces femmes sont recrutées d'office, sans passer même des examens. La société va encourager à d'autres femmes qui refusent de se représenter, d'aimer à se représenter massivement. Il faut les encourager. Nous devons les encadrer, les encourager et les accompagner. L'actualité continue de Rumonge, rendons-nous au nord du pays. Les médiateurs collinaires en commune Muruta de la province Kayanza se réjouissent de percevoir régulièrement leurs frais d'encouragement. Toutefois, ils indiquent qu'ils font face à différents défis, entre autres le manque de bureaux, des habits imperméables et des bottes à usage pendant la période pluvieuse. À cela s'ajoute le manque de papier pour l'élaboration des rapports de travail ou la confection des convocations. François Nyonzima, président du tribunal de grande instance de Kayanza, les tranquillise et dit que toutes ces questions ont été déjà soumises au ministère de tutelle. Patrick Saint-Guillaume. Les médiateurs collinaires à Muruta contactés à ce sujet dimanche des matériels sont sur tous ces des collines Ngonge et Mikuwa. Ils nous ont fait savoir qu'ils n'ont pas de bureau et que par conséquent, quand il pleut, ils ne trouvent pas où s'abriter contre la pluie. Ils déplorent qu'ils n'ont d'ailleurs pas aussi des habits imperméables et des bottes à s'en servir pendant la pluie quand ils sont au service du peuple. Ces médiateurs collinaires à Muruta plaident également pour qu'on leur accorde des papiers pour l'élaboration des rapports de travail. Ils indiquent également qu'il manque aussi des uniformes et des badges. Les mêmes médiateurs secrétaire coordinateur en commune Muruta, demande aussi la mise en place d'une loi régissant les missions de médiation de la population à la colline. Interrogé à ce sujet, le président du tribunal de grande instance de Kayanza, François Niozima, dit être au courant de la situation. Il tranquillise que le problème du manque de matériel sera résolu très prochainement, expliquant qu'il l'a déjà soumis au ministère de la Justice. Et quant au manque du bureau du travail, Jean-Marie Vianney Ndaichimie, conseiller juridique du gouverneur de la province Kayanza, fait savoir que pour pallier à ce problème, avec la construction des bureaux des chefs collinaires, on aura à réserver aussi une chambre pour le bureau des notables collinaires afin qu'ils trouvent ou conservent les documents de travail. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. De Kayanza, rendons-nous à Cibitoke où les habitants de la colline commune Mugina de la province Cibitoke se lamentent qu'ils viennent de passer 6 jours sans électricité. Ils indiquent que la panne consécutive aux pluies mêlées de grêle qui se sont abattues sur cette colline la semaine dernière. Le chef de la colline rapporte environ 6 poteaux d'électricité ayant été emportés. Les habitants qui ont des métiers nécessitant de l'électricité font savoir qu'ils ne travaillent plus. Ils demandent d'être réalimentés en électricité. Reportage signé de Oreb Ingabire avec les interviews réalisées par Jackson Bahati. Ces habitants disent qu'ils viennent de passer près de 6 jours dans le noir. Ils expliquent que les poteaux qui alimentaient cette colline en électricité ont été détruits par ces pluies. Ceux exerçant des activités nécessitant le courant électrique disent qu'ils chôment et par conséquent n'arrivent pas à s'offrir ce dont ils ont besoin. On ne travaille plus. Ces pluies ont détruit les poteaux d'électricité. Depuis lors, beaucoup d'activités sont paralysées. Ceux qui ont des salons de coiffeur et des machines à moudre sont au chômage. Comme coiffeur, je ne travaille plus. Il y a des besoins que je n'arrive plus à satisfaire convenablement, comme nourrir ma famille ou autre. Ces habitants ajoutent que pour avoir de l'électricité, ils sont obligés de se déplacer vers une autre localité dite Mugisooko. Ils demandent d'être réalimentés en électricité. Nous, les habitants de Mugina et Bwayi, travaillons à perte car nous sommes obligés de nous déplacer vers un endroit appelé Gisooko pour arriver à Moudre. Nous demandons à être réalimentés en électricité. Cela aide à les attributions de la régie des eaux. Ils viennent à chaque fois pour des contributions. Le chef de la colline Mugina précise que ces pluies ont endommagé la quasi-totalité des biens de la population. Parmi ceux-là, il dénombre 6 poteaux qui alimentaient cette colline en électricité. Wilson Habiyambele demande également une assistance. Sur la colline Mugina, les pluies ont endommagé pas mal de choses qui avaient de l'importance dans notre colline, surtout l'électricité. 6 poteaux ont été détruits. La population est dans le noir. On ne moue ni le maïs ni le manioc. Pour le faire, les habitants doivent se déplacer vers la colline Butaramuka. Que des bienfaiteurs viennent nous aider. Vous saurez que ces intempéries ont détruit près de 25 maisons et endommagé des champs de cultures différentes, comme l'indique ce chef de colline. Actualité internationale. À la une de l'actualité africaine, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre 2024 contraire à la Constitution et annulé le décret du président Macky Sall qui annule la convocation des électeurs pour le scrutin du 25 février. Le Conseil des sages fonde sa décision sur un principe de sécurité juridique, l'article 103 qui indique que personne ne peut réformer le nombre et la durée du mandat du président. Selon lui, le report de la présidentielle viole cet article intangible de la Constitution qui verrouille le nombre et la durée du mandat du président. Car les Sénégalais vont-ils donc élire leur futur président? Concernant la date, le Conseil affirme tout de même qu'il ne sera plus possible d'organiser un scrutin le 25 février prochain. Il invite donc les autorités compétentes à organiser ce scrutin dans les meilleurs délais, ce qui sous-entend avant la fin du mandat de Macky Sall fixé le 2 avril. Et Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il souhaitait quitter le club parisien à l'issue de la saison à la fin de son contrat. La star et capitaine de l'équipe de France, aujourd'hui âgée de 25 ans, est arrivé en 2017 à Paris en provenance de Monaco. Il avait prolongé son bail en 2022 jusqu'en 2024, mais avait refusé l'été dernier d'activer une clause lui permettant de rester une année supplémentaire au PSG. Après cette saison au PSG, Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, va donc découvrir un nouvel horizon. Le Real Madrid, le club qui fait rêver le joueur depuis son enfance, fait désormais figure de grand favori pour l'accueillir. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Alphonse Anselme Irambona assurait la mise en monde à Nantes. Jean de Dieu Irakoze à la présentation. Bonsoir.